Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute Alour, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Je désire m'excuser un petit peu. On a eu des problèmes techniques dans l'entrevue avec Stéphane Lebeau. Il manque quelques bouts, donc on écoute quand même l'entrevue. On va parler de hockey. Je voulais y parler depuis quelques temps, mais il est allé à San Diego récemment avec son fils. On va parler avec Stéphane Lebeau pour parler un peu des comment il a vu Marc Bergevin, la performance de Marc Bergevin cet été. C'est notre collaborateur de hockey, Stéphane Lebeau. Salut Stéphane. Salut Danny. Stéphane, avant de commencer, je voudrais te parler d'une discussion que j'ai eue sur les médias sociaux, puis je veux avoir ton point de vue là-dessus. On a toujours dit que le Canadien, en 92-93, il avait gagné la Coupe Stanley. Un des facteurs, c'est qu'il y avait beaucoup de Québécois dans l'équipe. Puis moi, je maintiens qu'en 2018, encore aujourd'hui, c'est pertinent d'avoir des Québécois. Ça les rend meilleurs. Sauf que certaines personnes qui ont dit aujourd'hui que les médias sociaux, puis ainsi de suite, je suis pas sûr que ça les rend meilleurs et ainsi de suite, donc se faire écœurer. Est-ce que tu trouves qu'en 2018, c'est aussi pertinent qu'en 1993? Ben, je pense que la fibre québécoise est toujours pertinente pour le Canadien de Montréal. Il n'y a aucun doute. Lorsqu'on est un Québécois, dans un premier temps, on veut jouer dans la Ligue nationale, mais initialement, on rêvait de jouer pour le Canadien de Montréal, et lorsqu'on endosse l'uniforme, mais on a cette fierté, on a cette pression-là additionnelle, on veut performer. Ça veut pas dire que les autres joueurs des autres nations n'ont pas cette même fibre-là, mais je pense que oui, en 93, c'était peut-être un léger avantage d'en avoir autant. On sentait peut-être encore davantage connecté avec les partisans, mais le problème d'année, moi, que je vois aujourd'hui, c'est le nombre de... Parce que oui, on était des Québécois, mais on avait beaucoup de joueurs de qualité. Aujourd'hui, de réunir autant de Québécois dans une seule équipe, ça devient un casse-tête quand même possiblement difficile pour n'importe quel directeur général. OK. Même si tu dis que... Moi, je suis surpris un peu de ta réponse, parce que je pensais, moi, que... Tu sais, je veux dire... Il y a bien du monde à Montréal qui serait prêt à accepter ça. Ben, dans les circonstances actuelles, oui. Il y a pas longtemps, les partisans peut-être auraient refusé, mais là, ils sont obligés de constater que le Canadien est vraiment dans une situation très précaire. Et là, c'est peut-être le temps de faire un ou deux pas de reculons pour rebâtir cette organisation qui a perdu son lustre et son prestige. Le fait qu'il ne veut pas prononcer le mot reconstruction... C'est jouer avec les mots, mais on sait très bien là, qu'ils veulent acheter du temps... en attendant que leur dernier choix au repêchage réussisse à graduer dans la Ligue nationale. Mais pour moi, il reste encore plusieurs étapes avant que ces jeunes-là, pas qu'ils portent le chandail ou l'uniforme du Canadien, mais qu'ils s'établissent comme des joueurs dominants, des joueurs qui vont faire la différence, parce que c'est ce qu'on veut. Avoir des joueurs dans l'uniforme, c'est relativement facile à trouver, mais ça prend éventuellement des joueurs qui vont faire une différence, surtout au niveau de l'attaque. Jusqu'à présent, je pense qu'on peut être semi-confiant, mais il reste encore beaucoup de choses à prouver. OK. Dis-moi, du côté des joueurs de centre, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu un vrai joueur de centre, et là, on en a repêché 7 lors du dernier repêchage. Es-tu pour ça, toi, qu'on recrute le meilleur joueur disponible, ou c'est la position? Ben moi, je pense qu'il y a une combinaison des deux selon la richesse de ton organisation. Présentement, le Canadien, il est pauvre partout dans toutes les positions. On est pauvre. Donc là, on veut refaire la ligne de centre. Si Danny, on regarde comment les Golden Knights ont été en grande majorité bâtis, eux se sont pitchés, ils se sont, excusez le terme anglophone, ont décidé de bâtir avec beaucoup de défenseurs. On a repêché beaucoup de défenseurs. On a gardé ceux qu'on voulait. Après, on a transigé des défenseurs de qualité pour obtenir des choix ou des attaquants de qualité. Là, le Canadien, présentement, ils ont beaucoup de faiblesses à la défensive, à la ligne de centre. Et là, on s'est garoché sur la ligne de centre. Mais encore là, ces jeunes-là, comment il y en a, ils vont faire la Ligue nationale, de un. Comment ils vont être développés? Combien d'entre eux vont devenir des joueurs d'impact? Et ouais. Je le répète, c'est important d'avoir des joueurs d'impact. C'est clair, c'est clair. Dis-moi, Stéphane, la blessure de Shea Weber. Ça fait mal. Ça fait mal pour deux aspects du Canadien. Du coup, en début de saison, je pense pas que le club allait. Il y a personne qui pense que le Canadien va faire les séries, mais quand même, tu perds ton meilleur défenseur. Tu mets Jeff Petrie comme numéro un, comme du côté droit. Donc vraiment, là, on n'est pas en business là. Puis même qu'il va dur à être échangé, compte tenu qu'il va manquer quasiment deux saisons. Là. Ben là, il commence à être fragile un petit peu pour l'échanger. Il y a des équipes qui vont se méfier, malgré que chez Weber, c'est un excellent joueur de hockey lorsqu'il est en santé. Ça pourrait être une option pour Marc Bergevin éventuellement. Je pense pas en début de saison. Mais Marc Bergevin, dans l'évaluation de son club, il a mentionné à la fin de la saison que pour lui, c'était une saison où le pire des scénarios y est arrivé. Et pour relancer l'organisation, il comptait sur le retour de Shea Weber, de un en santé. Il compte également sur le retour de Carey Price dans une forme que Carey Price nous a habitués. Et à partir de ces deux éléments-là, Marc Bergevin dit « Mon club est déjà meilleur. » Sauf que là, Carey Price, c'est un point d'interrogation. Et chez Weber, on le sait qu'il va être absent pendant tout près là, jusqu'à la période des fêtes. Donc, le Canadien, il ne va pas amorcer la saison meilleure. On va essayer de jouer sur le fait de bâtir une équipe à l'image des Golden Knights. Une équipe travaillante. Mais Danny, des points d'interrogation, lorsque j'analyse le Canadien, j'en vois partout. Ben, c'est clair. Tu sais, t'as bien beau dire ça. C'est sûr qu'une équipe travaillante, mais t'as un gars comme William Carson qui a marqué 42 buts. T'as Jonathan Marchessault qui OK, c'était peut-être le saison en carrière, mais ils l'ont connu quand même, là. Qui va marquer des buts, là? C'était la 29e attaque l'an passé. Là, t'échanges Garde Chenioc. T'échanges Max Pacioretty. Je me souviens que Pacioretty, commence l'année avec le Canadien et avec toute l'histoire qu'on comptait, là, qu'on a su, il perd au moins 30 à 40% de sa valeur. Ben, tout à fait. Donc, ça complique les choses pour le Canadien. Eux qui doivent accorder moins de buts, on perd chez Weber, on doit marquer plus de buts et là, la situation est encore plus précaire que l'année passée. Je ne sais pas comment Claude Julien va faire pour tirer les ficelles faire en sorte que son équipe va être meilleure. On mise sur l'attitude, mais l'attitude, parfois, là, ça prend du talent pour marquer des buts et l'attitude n'est pas toujours signe de marquer plus de buts. Effectivement. Carey Price, penses-tu que moi je pense qu'à pareille date l'an prochain, Carey Price sera même pas. C'est pas garanti à 100% qu'il va être avec le Canadien. Es-tu d'accord avec moi? Ben, pour moi, Carey Price devient un joueur sans dire. Inchangeable, dû à son contrat et à ses performances, quelle équipe va vouloir payer son contrat et donner des joueurs en retour? Pour échanger Carey Price, le Canadien va devoir en prendre pas mal. Absorber beaucoup de son contrat et à ce moment-là, sa valeur diminue. Puis c'est pour ça que je me dis, quel autre directeur général de la Ligue nationale va faire la même erreur que Marc Bergevin? Puis là, je veux pas... laisser présager que j'aime pas Carey Price. Carey Price, en santé, en forme, est parmi les 10 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. C'est un vrai numéro 1 qui peut faire la différence. Mais je répète toujours le même discours. À quoi bon d'avoir le meilleur gardien de but au monde qu'on paie plus de 10 millions par année si on n'est pas capable d'avoir une équipe devant lui? Mieux avoir une équipe mieux balancée, peut-être. Mais là, avec le contrat que Bergevin lui a donné à Carey Price, je trouve que ça devient difficile de l'échanger. OK. En terminant, le Ray Emery, c'est terrible ce qui s'est passé, hein? Oui, des incidents comme ça, des accidents, surtout encore cette semaine, là, c'est la semaine pour la prévention des noyades. Ouais. On est toujours bien intentionné. Normalement, on va avoir du plaisir lorsqu'on est sur les cours d'eau, dans les piscines. On s'amuse, on va pas à l'eau pour dire on va se noyer. Mais un moment d'inattention, une faiblesse, faut être vigilant et puis c'est partir aussi tôt que ça. 35 ans. Ce gars-là avait connu quand même une carrière quand même assez controversée. C'est un gars quand même qui avait un potentiel. C'est pas vraiment que son attitude, hein, Stéphane, t'es d'accord avec moi là-dessus? Oui, il avait peut-être un petit peu trop de caractère. Ouais. C'est bon d'en avoir, mais parfois il faut savoir le gérer. Il aurait peut-être connu une carrière un peu plus longue, mais tu sais bien de le mentionner. Il a eu quand même de très très bons succès. C'était à un moment donné un gardien de but d'impact dans la ligne nationale. Et quel incident triste. Ah, Stéphane, on va se reparler cet automne. Bonne chance avec ton gars. Ça a bien été la semaine passée. J'ai vu ça un petit peu sur les médias sociaux. Il était à San Diego. C'est beau, San Diego, hein? C'est sublime. Le, ouais. Le terrain Torrey Pines, okay, qui aura lieu le championnat des États-Unis, le US Open en 2021. Okay. C'est tout simplement sublime comme place, directement sur le bord de la mer, des toits en enfer rêvé, un parcours très difficile. Et je te remercie de mentionner que mon garçon a bien performé, effectivement. Donc, il continue son cheminement dans le golf et en espérant qu'il va atteindre ses objectifs éventuellement. Stéphane Lebeau, on se reparle très prochainement, à l'automne. Merci, Dan. Collaborateur de hockey, Stéphane Lebeau.